Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais c'est Gaétan qui devait le dire. Vous êtes en onde, les petits amis. Elle a juste un rôle à jouer ici. Là. On l'a engagée. Bien sûr, c'est tout à fait bénévole. Là. On voulait pas non plus investir autant d'argent sur une personne si peu fiable. On lui a dit. La seule chose qu'on te demande, c'est de nous dire, tu es en onde, vous êtes en onde, allez-y. Bon, un mot d'action pour nous suggérer de nous la boucler. Là, c'est pas ça, Madame Thibaudeau qui jasait avec M. Tremblay. Heureusement qu'on a ici un système d'exploitation. Non, c'est un système de sonorisation à la fine pointe. À la fine pointe. Plus fin que ça, là. Coupé très, très mince. On a demandé à notre technicien. Ben oui, c'est Gaétan. Ah oui, on a la technicienne idéale. Gaétan numéro 2, parce qu'il y a Gaétan numéro 1, Gaétan numéro 2. Imaginez-vous qu'à notre émission, il y a 3 Gaétan. Ouais, la troisième, c'est la cuisinière, là. Mais pour le moment, elle se concentre à faire bouillir de l'eau sans que tout ça colle dans le fond. Non, mais dans le fond, c'est pas facile. Ah, ben non, dans le fond, ça colle. Monsieur, ça colle. Seriez-vous en transe? Bon, pas maintenant. Non. Là, ça, c'est les débuts, là. Faut se calmer, là. Le public vient de s'intoniser, là. Vient de comprendre que, oh, oui, c'est CKRL. Bravo. Ben, merci. Effectivement, c'est CKRL. Effectivement, c'est Rance Rinaldienne. Effectivement, il est minuit. Minuit, il est minuit. On le sent le minuit, là. Hein? Il nous arrive en pleine face, un peu comme une barre de fer. Tu sais, quand on s'en attend pas, là. On marche, on déambule sur le trottoir, et là, tout à coup, pow! Un morceau de fer nous arrive en plein visage. On sait pas d'où ça vient, on est ébranlé, pour ne pas dire couché par terre en train de lécher l'asphalte. Et là, tout à coup, on se lève à peine. Il y a les yeux mi-clos, le sang qui gicle et l'arcade sourcilière qui pend parce que la barre est arrivée en plein dessus. Là. Aïe, aïe, donc. Une histoire épouvantable. Là. Tu t'attends pas à cet événement-là. Là. Patin. Puis là, à un moment donné, tu te lèves. Là, tu te dis, quel environnement bizarre dans lequel je suis rendu. C'est un peu comme les gens qui s'intonisent à CKRL actuellement. Ils disent, voyons, c'est pas normal. Mais non. Ça, c'est les gens qui sont non-membres, parce que les membres savent très bien à quoi s'attendre. C'est une radio qui se veut différente, donc singulière. C'est pour ça qu'on aime écouter cette radio, contrairement à d'autres qui nous ramène absolument rien d'extravagant, rien de nouveau. Donc ici, c'est uniquement et toujours de la nouveauté, autant musicale que langagière. Qui? Langagière. Ah, pas langagière, on l'avait engagé. Oui, mais langagière ne veut pas se faire engager souvent parce que il y avait son père, hein, Ticu Langagier. Ah, mon Dieu. Puis lui, ouais, Ticu Langagier, ben oui, on le sait. Il voulait pas souvent, lui, se l'ouvrir. Ah, ben là, c'était sa mission, ouais. Surtout, il avait le nom prédestiné. Oui, il voulait pas se prédestiner à ça. Lui, c'était plutôt un être de l'intérieur. Oh mon Dieu, un philosophe, sauf un philosophe, il voulait pas de philosophe. Ah, non. Lui, se pencher sur lui-même, sur lui-même en se demandant, ah, où vais-je? Pourquoi y vais-je? L'hiver arrive-t-il? Le froid y brille? Je m'ennuie. Oh, que je m'ennuie. C'est l'hiver. C'est pas encore l'hiver. Non, mais ça sent l'hiver. Ça sent l'hiver. Hey, on est simplement rendu au 16. Est-ce que c'est le 16? On va vérifier. Ben oui, c'est 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est le 16. Tu comptes ça bizarre, le temps? Oh, moi, le temps, c'est au niveau du cartésien similaire, moi, là. Tu connais pas le cerveau? Ben oui, là. Il y a la membrane. Lâche la membrane. On parle souvent de la... Non, c'est pas celle-là. Là. Il y a l'intérieur du cervelet. Là, ben pour Rénal Gagné, il n'y en a pas. Lui, c'est... On va rester, ça reste entre nous. Là, c'est... Au moins. Il nous l'a déjà dit. Il en est conscient de son inconscience. C'est que lui, c'est terminé. Il fait plus rien. Oh, mes intestins. Non. C'est des bruits en voulant dire que c'est absent. Oh, et devant autant d'absence, on sent une présence fantomatique. Oh là là là. Et quand c'est les fantômes qui s'agitent, c'est l'esprit qui cogite. Ah, ça cogite, ça dort, ça, c'est plus capable de rester, de se réveiller. Ça, là, c'est comme un peuple là, qui sait pas à quoi s'en tenir. Là, puis pendant toute son existence, il se rendort, puis il tente de se réveiller, il s'ouvre un œil, il le referme. Puis, c'est un peu sable émouvant, très peu émouvant, mais un sable mouvant. Tranquillement, on cale. On se demandait, monsieur, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus caler? Et non plus recaler, parce que si on recale, on retourne en arrière, là. Et moi, j'ai recalé 3 fois ma maternelle. Moi, c'est le bricolage. Hein? Le bricolage. Oh! C'est pas très bon faire en bricolage. Dessine-moi un mouton, là. Je faisais comme cet exumérum, là. J'ai fait un chapeau, puis j'ai dit, en dessous, c'est là, ton mouton. Il était cocheté. Docteur? 2 scotch, s'il vous plaît. J'ai été scotché, moi, là. En plus, c'était du bon scotch. Hein. Oh! Du millésime. Il y en a... Est-ce qu'on peut dater? Ben voyons donc, c'est daté. Il y a des 10 ans d'arrière-âge. Oh, c'est comme mon mental. Mon état précaire, là, c'est moi, c'est 44 ans d'arrière-âge. Oh, je suis un fêteux. Oh, ah ben là, pour être un fêteux, un fêteux. Oh, et dans le fêteux, il y a quelque chose qui rime, mais je peux pas le dire. OK. Alors, dans le fêteux, il y a de la mouche causeuse. Oui. Et plus il y a de la mouche causeuse... Seriez-vous en France? Non, on n'est pas en France, là, mais on est à Québec. On est arrivé de France, là. Non, il a pas dit en France, il a dit en transe. Ben non, il a dit... Écoute, on va réécouter, monsieur. Monsieur, seriez-vous en transe? Non, c'est parce qu'il a changé de prothèse dentaire, lui, là. Il voulait dire France, parce que trans, je sais pas ce que c'est, là. Trans en sandales, là. Puis, non, c'est... Ben oui, il a voyagé. Il a eu son voyage. on l'a ramené ici. Mais là, ce qui a bloqué, lui, là, avancez-vous, Mme Thibodeau, on va... Mais là, Jacqueline, avancez-vous. Thérèse! Ah, Thérèse, avance-toi, Thérèse. Là, vous êtes tout là. Tous les cartes de membres de CKRL, brandissez les cartes de membres, parce que s'il y en a qui en ont pas, là, placez-vous dans le fond, comment t'allais dire. Mais j'allais dire, excusez-vous. Alors, je m'excuse infiniment. Je voudrais devenir membre. Ben, c'est 25$, madame. Oh, mon Dieu. Est-ce que je peux le faire après l'émission? Non. Là, on va arrêter l'émission, là. OK, c'est maintenant. Maintenant. Appelez demain, là. Mais écoutez, arrêtez de nous écouter. Hey, c'est assez, là. Ils s'imaginent qu'ils peuvent nous capter comme ça, là, au hasard. Il n'y a pas de hasard. Là. Pas membre. Écoutez. Écoutez-nous pas. 25$, pas cher pour un an, là, hein, pour de l'excentricité verbale, pour de la musique expérimentale, du mental, à pleine mesure, de notre démesure. On l'a la démesure, ça, c'est clair. On est excellent là-dedans, puis c'est ce qu'on veut vous amener pendant toute l'année. Puis là, c'est la première de l'automne. Hey, il me semble que ça, c'est pas l'automne, c'est frais, hein. Les feuilles mortes se ramassent. Y a-tu les... Oui, OK. Les feuilles, merci. Hey, Giorgio, j'ai cassé les maracas. Non, on n'a rien entendu. Non, mais pas cassé, mais j'ai passé proche des échappés, donc des cassés. Ben oui, mais c'est du plastique. Ça, c'est le moment musical. On n'a pas de record ici. On n'a aucun laser. Tous les moyens ont été mis sur le micro. Donc, c'est lui qui chante. On a le chanteur par excellence qui est... Tiki Baudouin. Ah, il a la turlute. C'est pour l'automne. OK, on y va. Allez-y, madame, sympathisez pour nous, oui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Appelle l'automne. Non, on l'a appelé l'autre jour. Tu vois, non, il y a 2 ans, 1 an et demi. Ça fait longtemps. Alors, si on le rappelle, il nous répondra pas. Tu sais comment c'est cet automne-là. Là, ils disent « Waouh, waouh, waouh, c'est un automne, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, un automne, comme on le cherche, comme on ne veut plus le retrouver parce qu'il se cache derrière les sous les feuilles. » Et sous les feuilles, il y a des cadavres de fourmis. Oh, les feuilles mortes. Ah, des cadavres de fourmis, ouais, qui décrépitent. Oh, et qui crépitent. Ils crépissaient avant, là. Ils étaient presque morts. Ça grattait sur la feuille. Tu fais bien ça, toi, une fourmi qui gratte sur la feuille. Bon, oui. C'est radiophonique, là. Écoutez bien, là. Je vais faire une fourmi qui gratte sous la feuille pour essayer de sortir, là. Hey, monsieur. Ça, c'est de l'excitation. Pour les gens qui s'intéressent aux bébites, ben là, pour t'écouter, il faut aimer les bébites. Alors, réécoutez. On va le faire, OK? La petite fourmi là qui est prise sur la feuille, qui va mourir, va devenir un cadavre de bébite, là. Mais qui tente, là, c'est... Comment t'appelles ça? C'est le désespoir, le cri du désespoir. N'est-ce pas? Okay, mais ça, c'est le cri du désespoir. Mais on va faire les petites pattes qui frottillent sur la feuille. Ah, bon... C'est extrêmement... on demanderait aux gens trop sensibles. Reculez-vous de votre radio. Vous êtes... Oui, je sais, vous brandissez votre carte de membre. C'est merveilleux, on vous aime, on vous embrasse de partout. Partout. Non, restez. Mais reculez-vous parce que vous risquez de pleurer. Et si vous pleurez, les larmes vont couler. Et si les larmes coulent, ils vont arriver vers le devant du micro, et tout ça, c'est électrique, hein, ça risque de sauter. Puis on veut pas non plus arriver à quoi? À une émulsion? Non, c'est de l'eau, c'est quoi? Un naufrage émotif, OK, s'il vous plaît. Alors, reculez-vous. Oh, madame, Lucie, on sait que tu pleures de rien, là. Tu m'écoutes, là, puis tu pleures. Je suis pas mort. Giorgio? Non, mais ça, je sais pas, faudrait contrôler ça avec le poule. Le poule? Oui, la poule. La poule ou les œufs? Moi, je vais prendre le pou. OK, on va prendre le pou. Hey, t'en as des poux? Mais pourtant, je me lave les cheveux tous les semaines. Ben, voyons. Non, c'est le pou, pi, pou, hey, t'es pou, toi, hein? Ah non, je suis fou, moi. Ah! Je suis fou pour un bébé. Moi, plus fou que ça, là, tu sens le pou. Oh, non, je chante le pou. Oh, je vais chanter. Oui, c'est vrai. Je chante. OK, allons-y. Ah oui, vous voulez que... monsieur, le public sait plus où il s'en va, là. Non, c'est la fourmi en dessous de la feuille. Tu l'as fait, on va le refaire. Alors, les émotifs, reculez-vous. Un motif anonyme. C'est un motif, non, c'est émotif anonyme, s'il vous plaît, dans le fond. On vous aime, hein, vous êtes merveilleux. Continuez votre traitement, OK? Et les autres, là, épongez à mesure. Épongez, coulez, faites pas couler de l'eau ici, là, sinon l'automne va se terminer ici. Comme c'est la première de l'automne, faudrait pas que ça, hein? Oh! Georgette? Non, mais moi, j'ai pas ma mop. Elle a pas sa mop, fait qu'elle peut pas éponger. Ah, non. Je crois que j'ai mis une grande robe. Oh, c'est vrai, c'est une robe élastique? Non. Non, on appelle ça une robe ample. Ample, OK, d'accord, excusez-moi. C'est pas élastique. Non, c'est ample. C'est quoi la différence entre ample et élastique? Élastique, ça colle. Ample, c'est ample. OK, ample, c'est ample. Alors, on fait la fourmi qui gratte sur la feuille. Est-ce qu'il y a un écho autre que ça? Un, deux. Non, mais c'est le 12. OK. Hey, les gens savent pas, c'est... OK, 14, 12, 11, 1, 2. Un peu plus d'émotif. 1. Ah, c'est bon, OK. La feuille, la fourmi et les pattes de la fourmi sur la feuille. Tant. De refaire surface pour attendre à s'en écarteler. Oh, il va la refaire. Pour atteindre l'inaccessible. OK, on y va. Oui? L'exterminateur. Oh non, la fourmi, ils veulent nous exterminer. Alors là, elle meurt, c'est fini, c'est la mort universelle, la mort sans fin, et la mort qui s'ensuit, il écoutera pendant toute sa mort, l'existence qu'il a vécue, et retracera son histoire à travers des sentiers presque abattus. Non, battus. Battus. En parlant de bête, battons la mesure. OK, les feuilles mortes. C'est un lien incroyable. Les gens qui braillaient, là, ravancez-vous, là, parce qu'on va chanter sur le souffle. Pour les gens qui connaissent pas la musique, sur le souffle, là, c'est avec un très, très faible débit au niveau de ma voix, et un très faible débit. OK. Alors, c'est les feuilles mortes. Hey, le vrai de Scotch, en parlant de Prévert, il n'a pas apparu ici. Non, il ne peut pas apparaître. Pourquoi? C'est l'ouverture de l'automne, c'est KRL, 2011-2012. Ça mérite. Non, ça mérite rien. OK. Ça mérite absolument rien. Mais une petite chanson. Non, OK. Les feuilles mortes de Prévert et Cosma. Jean-Luc Prévert et Simon Cosma. C'est qui? Jean-Luc Boisclair et Frémé. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois? Je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Oh, c'est beau. Les souvenirs et les regards osés et le vent du nord les emporte sous la nuit place de l'oubli. Tu vois, oublier la chanson que tu m'as chantée. Les fourmis. Oh non! L'exterminateur. Je serai votre chien. Faites de moi ce que vous voulez, mais tout ce que vous me ferez, soyez sûr, je vous le rendrai. Je vais descendre parmi vous, malaxez-vous de partout. Serez-vous prêt à m'aimer, m'encenser ou me trahir? Qui est l'esclave? Respect pour autrui, vous me haïrez pour ce.

cesse. Y'a pas de raison que cela cesse. Y'a pas de raison que cela cesse. Que cela cesse. Que cela cesse. Que cela cesse. Que cela cesse. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynoldienne. Tu dis souvent indépendante. Oui, j'essaie de... Mais ça frôle là, oui, on le sait, ça frôle là. Monsieur, bienvenue. J'allais dire remonsieur. Remonsieur Lamassou. Lamassé, Lamassou, Lamassé, Lamassé, merci beaucoup. Louangeons-le encore une fois. Ainsi soit-il avec ses ailes, ainsi soit-elle avec ses îles. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons des chemins narratifs. Et voici l'épître qui change les chapitres. Qui... Excusez-moi, c'est le micro? Ben oui, c'est le micro, madame. Oui, c'est la première fois que je fais du micro. Non. Oui, bon, oui, ok, du micro, mais à la radio. Ben c'est la première fois que je fais du micro à la radio. Sinon, vous faites du micro où? Ah, je fais du micro-ondes. Oh, vous faites du micro-ondes. Ah, des fois, micro-dose, là, mais ça, c'est quand je suis en pleine forme. Hein? Mon mari René. Oh, vous aussi? Oui, mon mari René. Mon mari René, René, René, mon mari, mon, en tout cas, lui, là. Oui. Il m'a déjà dit. Ma belle frimousse que j'adore. Oh, ça, c'est des mots d'amour. C'est des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. Quand il me prend dans ses bras, quoique vous voyez que je suis bien débordante d'amour. Oh oui. J'ai beaucoup d'affection à donner, oui, mais. Et à offrir également. Alors, si vous voulez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Non, c'est pas le. Oui, oui, on va donner le numéro de téléphone. Mais en onde, ici, est-ce qu'on peut faire clignoter la petite ligne? La petite ligne, Kathleen, Kathleen, Kathleen, oui. On peut-tu faire. Non. Ah non, tout est bouché, c'est congestionné, c'est vraiment la sinusite aiguë. Ouais, ben voyons, si on veut t'appeler, on peut pas, on est incapable. Ouais, je sais qu'on est des incapables. Mais là, on a une station communautaire qui force sur le côté professionnel. Oh! Et ici, le professionnel, à cette émission-là, le professionnalisme, oui. On rame un peu. Ouais, c'est vrai, on aime bien ramer. Nous sommes des professionnels du manche de bois. Oh, et la langue de bois? Non, on n'est pas des politiciens, nous autres, on n'a pas la langue de bois. Ni dans notre poche, puisque... faut quand même se confesser ici ce soir, il faut se la confesser. Oui. J'ai déjà eu la langue dans ma poche. Mais j'ai tellement de cochonneries à l'intérieur, hein, des petites mousses. Et puis surtout, mon ancienne copine était fumeuse, puis elle voulait que je mette ses mégots dans mes poches pour qu'elle puisse les refumer après lorsqu'on rentrait dans les musées. Nous visitions les grands musées de ce monde, hein? L'œil de poisson à Québec. On nous a mis dehors deux fois. Pourquoi? Oh, pour des extravagances. On n'avait pas le droit de faire certaines choses. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Plus de doigts dans trop à l'œil de poisson. Ah, c'est au cirque. Beau spectacle, un endroit extraordinaire pour des beaux spectacles. On nous a mis dehors. Pourquoi? On m'a reconnu. Parce que t'as été... Non, on m'a reconnu très facilement reconnaissable. Oui, c'est vrai que je tiens à souligner. Est-ce qu'on peut le souligner? Non, on n'a pas le souligneur, le crayon qui est OK. Mais je vais quand même le faire. Oui, allez-y. La beauté cachée est... Oh. On n'a pas... si on enlève le... Oui. La beauté. Ah, c'est mieux comme ça, hein. Ah, c'est merveilleux. Vous êtes bon, ouais. Mais merci à mon Tony, qui est le metteur en onde, qui aime bien se placer ici pour se mettre en onde. Non, pour nous mettre en onde et dans la lumière. Ouais, mais c'est de la radio, nous mettre dans la lumière. Ben, nous mettre dans notre plus grand nous présenter sur notre meilleur jour. Monsieur. Le meilleur jour la nuit, c'est fort, ça. Ben oui, mais la meilleure nuitée d'abord. Nous faire bien passer. Hein? Avoir l'air brillant, mais t'as pas l'air intelligent trop tôt. Ben, en tout cas, merci à lui quand même. Là, il est là, il coupe, il recoupe, il découpe, il se coupe, il coupe, Et sans se faire mal aux doigts. Oh! Car tout est dans sa menotte. Sa menotte, ben sa main menotte. Oh! Parce que oui, il a déjà fait de la prison. Ah, ils ont mis les menottes. Il aimait ça. Là, il a poursuivi à la maison dans l'intimité de son foyer avec sa belle Charlotte. Ah, c'était Charlotte, elle avait ça. Au début, faut que je vous raconte. Non, c'est pas la... Oui, oui, c'est... Écoutez, non, c'est rien de dérangeant. Là. Mais les menottes. Moi, je vous conseille, là, celle avec du petit menu, parce que ça fait pas mal au moignet. Puis le lendemain, quand vous allez travailler, ça paraît pas que vous avez été menotté, là, tu sais, par les pieds, les voix. Puis... Et là, les collègues de bureau, on travaille pas dans des bureaux, nous. Ben, les collègues de travail, on travaille pas, nous. Ah, non, qu'est-ce que vous faites? On est des vagabonds. OK, mais en tout cas, lorsque vous allez rencontrer des gens, ils vont vous dire, comment ça, vous avez... des rougeurs au niveau des poignets, puis ils vont s'imaginer peut-être un suicide, tente manqué, peut-être, je sais pas, une séquestration, comment? Une séquestration? Non. Une castration? Non. Un enlèvement? Oui! Un kidnapping, OK? Ils s'imagineraient peut-être un kidnapping, puis là, ils feraient appel à des agences de télévision pour vous amener des caméras, puis là, pour relater une fausse histoire, puis là, vous pourriez faire de l'argent. Là. Alors, si vous voulez pas avoir, puis surtout, vous pourriez jamais trouver un emploi après, là, quand vous faites partie de la suprématie judiciaire, là, pensez-vous qu'un employeur va dire, hey, on t'a vu à TV, là, t'as été menotté, on t'a... Ou quoi que ça dépend, là, si vous êtes dans les médias, on pourrait mousser, là, il a fait de la prison, non, il a été séquestré maintenant, nous l'avons en onde. Et puis là, vous pourrez faire des millions avec ça, là, d'auditoires qui voudraient entendre sa vie. Mais c'est pas ça, là. Moi, là, c'est pour pas voir tes marques, oui. Moi, c'est pas marque. Non, je sais. Mon ami. Oui. Pour pas voir tes marques. Mais c'est pas moi, là. Vous trompez. Moi, c'est pas marque. Je sais que c'est pas marque. Mais pour pas voir vos rougeurs. Oh, OK. Mettez du menu. Oh, du petit menu, mais pas du menu véritable, là, parce que là, Brigitte Bardot va vous appeler, puis si elle vous appelle, aïe, ça fait beaucoup plus mal qu'avoir des menottes. Hey, si ça sonne, là, tu réponds pas, parce que Brigitte Bardot, là, pour savoir si c'est elle, parce que là, vous allez vous dire, ben oui, mais là, à la sonnerie, comment puis-je savoir, comment hein, l'entendre, comment mon oreille peut arriver à capter que c'est Brigitte Bardot? Alors, je pas le téléphone. Quand vous êtes rendu à 250 coups, c'est Brigitte Bardot. Si c'est Brigitte Bardot, alors je suis pas ça de même. Hey, Michel Rivard. Beau dommage, le groupe Beau dommage québécois, là, celui qui a écrit le fuck en Alaska, là. Crée-moi pas. Brigitte Bardot, là, ça fait 2 ans et demi qu'elle le tient au téléphone. Donc, elle l'appelle, il a pas encore répondu, là. Il est rendu à 2 650 000 coups de sonnerie. Il n'a pas encore répondu. Mais là, il est devenu fou. Il fait des albums assez exceptionnels aussi là-dessus. Mais pas besoin de rien d'autre. Il y a sonnerie de Brigitte Bardot. Et moi, 3 sonneries, puis c'est fini. Là, je me frappe dans les murs. Puis je dis, ah, pas moi. Police, oui, c'est moi. Puis là, je deviens un peu errant rénaldien. Donc, imaginez-vous. Alors, c'est pas du vrai menu. OK, c'est pas du vrai menu, c'est du petit menu, menu, du faux menu. Pour savoir si c'est du faux menu, vous le frappez, puis il fera pas rouin, s'il fait du rouin, c'est du vrai menu. Puis éviter de prendre du vrai menu, parce que Brigitte Bardot, sonnez, savez plus répondre, sonnez. Alors le menu, tout est dans le menu. Si vous connaissez pas du faux menu, écrivez-moi à renalquebec@commercial.com. Je vous enverrai par Internet une lisière de faux menu. Là, vous allez vous dire, ah, ce gars-là veut se foutre de ma gueule. Il m'a envoyé du vrai menu pour que Brigitte Bardot m'appelle. Je vous l'ai dit le truc, frappez le menu. Si le menu fait rouin, c'est du vrai menu, mais le mien fait pas rouin. Ah, il fait rien. Il fait absolument rien. J'ai coupé la langue. non, pas le menu. C'est du tipouelle. Tipouelle. Juste du. C'est pas du gros poil, c'est du tipouelle. Du poil derrière. Du tipouelle. Là, tu le regardes, pouf, il n'y a plus de tipouelle. Ça finit comme ça. Oh mon Dieu. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Nous sommes déjà en retard. Déjà en retard, ça n'a pas de bon sens. Là. Ben oui, ça a un sens, là, mais un sens à ne plus fréquenter. La seule émission, je me suis délinqué la chewing-gum hein, avec toutes mes articulations. Allez voir ça sur les vidéos. Là. Je me suis fait mal. Ça s'est pas vu, là, mais parce que je gesticule beaucoup quand je fais de la radio. Je m'imagine que tout le monde me regarde. Oh, puis... Oh, avez-vous entendu? C'est un seigneur deuxième dan. Oui, monsieur. Non, mais il faut que la chorale errante, qui peut faire partie aussi du groupe analgésique, parce que c'est des anciens membres du groupe analgésique. Oh, les gens comprennent pas. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai les clés. Alors, la seule émission de la structure de la blague, là. Ouais, mais si t'es tout seul à comprendre, ben, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Là, je m'écoute, là, je m'esclaffe. Je m'esclaffe et j'aime. Petit poil réuni. C'est du faux petit poil, hein. Frappez-le. Faux petit poil. Et ceux qui s'y. Il faut exterminer toute pensée rationnelle. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Ma seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Alors, l'ouverture, c'est ça. L'ouverture, là, oui, on tourne la page. Tourne la page. Qui télécharge mes émissions? La Gestapause, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Aujourd'hui, le vendredi 16 septembre, la première émission de l'automne. Reviens-en, je ne peux pas en revenir. Parce que je ne vois pas de feuilles qui descendent, oui. Je sens mon cerveau qui descend. Bon, mais c'est ça, c'est l'automne. Non, mais c'est à l'année, moi, à l'année. Oh oui, ça, c'est... On peut pas dire le contraire, non. Surtout pas. Là, ce serait peut-être bien d'écouter un petit bloc, puis on revient. Ah, là, je t'en bloque, là. Ouais, j'ai pas reçu mon scotch, je peux pas avoir de bloc, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, le vendredi 16 septembre 2011, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Barbara Grassi pour la dernière fois. Alors, comme à toutes les dernières fois, on va pleurer, OK? On y va. Tout le cœur des pleureuses d'errance rénaldienne, parce qu'on est comme en Égypte, hein? Lorsque des gens meurent, on embauche des pleureuses et ensemble, on leur apprend la notion de pleurer à cette émission aussi, parce que c'est très particulier. Et on les amène ici pour en verser une dernière. Parce que c'est Barbara Grassi. On se retrouvera peut-être l'année prochaine à Paris. Et pour le moment, c'est la dernière de notre émission te concernant. Allons. Elle est bonne, elle, hein? Hey, on voit là. Elle est excellente, on y va encore. Hey, monsieur, OK, on est en une dernière fois. Bon, OK. J'ai de la buée dans les lunettes, moi, là. C'est un trop... Ben, bravo. Alors, donc, Barbara Grassi se veut une comédienne autant. Elle paye là, là, puis qu'elle parte, parce qu'on veut pas broyer de même toute la soirée. La nuit, c'est fait pour rire. Alors, paye-moi ça, là, puis... excusez-moi. Payez-moi la demoiselle. Et c'est parce que le droit des humanités, là, vont venir, puis ils vont dire, t'es un inhumain. Moi, un inhumain, voyons donc. Je vous dis comment vérifier le poêle quand ça fait rien. Paye. Bonjour madame, au revoir. OK, une dernière fois madame, on vous a payé trop cher là. Une dernière fois, on est plein. OK, partez. Hein? OK, là. Bravo. Alors donc, Barbara Gracie se veut une comédienne autant au cinéma qu'au théâtre. Oh non, c'est oui, on lui a dit, à chaque fois que vous entendez ben, Barbara Gracie, madame, vous pleurez. C'est quand même fort, hein? Alors, Barbara Gracie se veut une comédienne autant au cinéma qu'au théâtre. Parce que Barbara Gracie s'exprime également à travers un art des plus rythmés, la danse. Barbara Gracie enseigne et propage sa passion auprès de néophytes qui eux aussi s'exultent à travers cette activité aussi divertissante que sportive. Barbara Gracie tournera également dans quelques jours dans a tourné dans un film de Jocelyn Notet qui s'intitule Lily. Barbara Gracie merci. Il incarne le rôle d'une prostituée. Hey, moi, je connais ça, la pute. Moi. C'est moi le roi de la pute. Oh! Le roi de la pute, le roi du crack. Il craque la pute. Oui, monsieur. Alors, en juillet dernier, Erance Renaldienne se trouva là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec Barbara Gracie. Cette jeune femme se veut attachante et authentique. Madame, merci. Hein? Merci d'avoir pleuré. Vous êtes merveilleuse. Là, on vous a payé à votre juste valeur. Bon, OK. Alors, c'est de valeur. Elle s'en va. Non, il n'y a pas de valeur là-dessus. On l'a payé. OK. Alors, en juillet dernier, bon, un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la... Ben oui, c'est encore estival. Hein? Même si c'est l'automne, la CKRL, l'automne dans toutes les radios, dans toutes les télés, dans toute la structure médiatique. En vérité, je vous le dis... C'est l'été encore aujourd'hui. Louangeons-le encore ce soir, cette nuit. Allez, l'été. Allez, l'été. Il faut exterminer toute pensée rationnelle. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a les jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore. Chante de ta voix caline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur se vieillira. L'amour et la jalousie, ne sont pas les yeux d'enfant. Et tu aides de la vie, pour souffrir comme les rangs. Et gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Chante de ta voix caline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux chanter tant que tu veux, bambino, bambino, bambino, bambino. Mais tu sais, j'ai pas besoin de ça. Non, okay. Moi, tu viens en soirée avec moi, je bois mon Diablo Grenadine, c'est moi la première qui monte sur la table et qui te fait un strip. Ah, hein. Oui. Tu vois, moi, okay, je suis super... Okay, okay. Je suis un peu dans un groupe, celle qui met l'ambiance. Oh, oui, okay. Souvent, on croit que je suis bourrée, donc tu vois, et pourtant, non, le cerveau, il est sain. Alors, c'est de nature. Ouais, c'est de nature. Okay. Moi, je m'éclate, je fais la teuf, j'ai pas besoin de boire. Tu vois, donc en fait, heureusement que je bois pas, parce que je pense que là... Ouais, ok. Ça serait interview couché sur le... Ah ouais, on serait mal. Ah, mais peut-être que ça serait original et ouais, première. Écoute, on peut essayer, pourquoi pas. L'année prochaine, à la prochaine, les gros seins, bourrés. Oui, mais l'année prochaine. Alors, je vais savoir sur qui m'appuyer l'année prochaine, ok? Ok. Alors, par toi. Si vous étiez un autre individu... Connu ou pas connu? Un autre individu.

et notre public. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, allez-y, est-ce que nous sommes sur le... Une petite minute, oui. Là, vous avez des informations. Oui, oui, merci, merci. Alors, on s'excuse d'avoir été trop virulent envers vous, monsieur. Comme le mentionnait Jim Morrison, mentionne-le, on l'a dit, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. L'Errance Rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Atelier d'improvisation, comme d'habitude. C'est ça depuis le début. Cette semaine, c'est pour les gens qui savent pas, là, qui cherchent encore le mode d'emploi. Là, okay, là on a perdu la recette. Il n'y en a pas de recette. C'est pas une émission à recette. Si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça lève ou ça lève pas. Là, aujourd'hui, oh, aujourd'hui ça lève. La preuve, on n'est pas des menteurs. Monte ton micro. Oui, on n'est pas... Oh, c'est vrai, hein, excusez-moi pour l'ouverture là, d'automne-hiver 2001-2012. Voyons donc. 2014-2010. T'es confus? Ah, oh, je suis confuse, moi, là. Non, mais 2011-2012, je devais avoir un nouveau micro, il n'est pas arrivé. Mais il n'est pas perdu dans le courrier. Je le tiens par les liens cybernétiques. Il est présentement à Plattsburgh. Mais il est parti de Lyon. Lyon le Tigre. Oh! Pas à, oui, dans les Europes. Lyon le Tigre dans les Europes. Il a pris l'avion. Oh! Il est rendu à Plattsburgh. Comment ça, il peut être rendu à Plattsburgh? Parce qu'ils l'ont parachuté. Comment? Ils l'ont parachuté. Comment? Mais parachuté. Oui, parachuté. Comment? Parachuté. D'après toi, comment on peut arriver à faire ça? Ben là, attends, je suis pas un être qui connaît bien l'aviation. OK. On se calme, là. Écoute-moi bien. C'est simple, là. C'est très, très, très simple. C'est les racines. Les racines. Ils t'ont pas pris ça dans les racines? Non. Les racines de la langue. Oh, monsieur, moi, le garde, j'ai une dent barrée. Ils m'ont dit, il faut t'enlever la racine de la dent. Aïe, ça fait mal. Non, la racine du mot. Oh, non, aïe. Est-ce qu'il y a un anesthésie? Il n'y a pas d'anesthésie là-dedans. Là. C'est un mot. Un mot, ça fait pas mal, mais ça dépend. Ça fait très mal, des mots. Hein? Plus mal qu'un coup de poing. Quand mon mari Rainé, oui, mon ami Rainé m'a dit, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit ton ami Rainé? Non, c'est pas mon ami, c'est mon mari Rainé. Votre mari? Mon mari Rainé. Qu'est-ce qu'il a dit ton mari? Mais non, c'est vous. Ok, excusez-moi, je vous vois. Vous, voyons donc. Hey, moi, est-ce qu'on entend le scellement de ma prothèse? Vous. Non, ça fait mal aux dents. Vous. Oh mon Dieu, ça me coûtait cher. Ça visse. Service. Mais, oui, vous voyez moi. Est-ce que vous me voyez? Oui, je vous vois très bien, et vous? Ah, moi, je vous vois. Je vous vois très bien, puisque j'ai des belles lunettes noires qui voient à travers le lens. Oh, pas vrai? Oui, ça voit à travers le lens. On m'a dit 1 000 $, ça voit à travers le lens. Et puis? Ben, j'ai payé 1 000 $. Alors? Ben, je me dis que je vois à travers le lens. Puis, réellement? Réellement. Mais réellement, voyez-vous à travers le lens? Là, la réalité et puis la fiction, c'est quoi le barème entre les deux, là? Voyons donc, c'est pas important. Moi, je vois à travers le linge. Ben oui, c'est impossible. Comment? Hey, wow, wow, on m'a dit, tu payes 1 000 $. 1 000 $ pour des lunettes, des verres, des lunettes, une monture. À travers ces lunettes-là, tu vas voir à travers le linge. Ben oui, mais vois-tu à travers le linge? C'est pas une question si moi je vois, on m'a dit que j'allais voir. Puis est-ce que tu vois? Oui, pourquoi? Mais parce que ça voit à travers le linge, ils me l'ont dit! Oh mon Dieu! T'es pas endoctriné? Qui? T'es pas endoctriné? Je le connais pas, lui, endoctriné, mais je veux pas le connaître. Il m'intéresse pas, c'est un mot que j'aime pas, c'est un nom que j'aime pas, c'est un monsieur que j'aime pas. Ben oui, c'est pas un monsieur. Oh, OK. Mais c'est une madame que j'aime pas. C'est une madame. Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est une chose? Non, c'est un mot. Oh mon Dieu. La racine du mot. OK! La racine du mot. La racine du mot. C'était quoi, donc? c'était parachuté. Parachuté! Ah oui, parachuté. Parachuté, oui. Alors, on me l'a parachuté à Plattsburgh. OK. Hey, merci, Coolish. Parce que grâce à ma Coolish, on l'a payé, la Coolish. Coolish, êtes-vous là? Bon, hey, monsieur, on t'a coupé. Est-ce que ça va? Bon, OK. Bon. Tu me souffles juste le mot pour m'allumer à la dernière seconde. T'es bonne ce soir-là. Je t'embauche pendant toute la saison automne-hiver. Ça, on va avoir du plaisir ensemble. Là. Hey, Coulé, j'étais là. Ça va! OK, ça va. Bon, OK. Elle a préparé des petites sandwichs de couleur, là. On va couper... coupe la... Comment t'appelles ça? Ben moi, j'appelle ça des croûtes. Coupe la croûte. Coupe la croûte terrestre. Non, mais c'est ça, la croûte terrestre. On a parachuté le micro. À Placebird. Ben oui, mais là, c'est quoi Placebird? Non, pas Placebird. Oui, Placebird, c'est une place, un endroit. C'est géographiquement un endroit. Mais parachuté, là, ça, c'est la racine. Aïe, aïe, non, la racine du mot. Un mot, ça fait mal, effectivement, comme madame a dit. Je suis pas une madame. Le monsieur, je suis pas un monsieur. Bon, en tout cas, la chose, je ne suis pas une chose. OK. Ah, non, parce que là, j'essaie de comprendre. Pas une dame, pas une dame, une chose. Qu'est-ce que c'est ça? On le dira pas parce que on les démolit assez de même. Là. Oh, oui, c'est vrai. Hein? C'est un beau peuple. C'est un beau peuple. On l'embrasse. Sur la bouche? Ah, sur la bouche. On l'embrasse sur la bouche. Plus que sur la bouche, parachuter, descendre du bas. C'est l'avion, là, malheureusement, parce qu'elle sentait qu'elle allait piquer, envoyée en dehors de son corps. Je le dis souvent, là, mais a extirpé, a amené un flux d'articles, d'accessoires, mais agrippé par un parachute, au-dessus de Placebird. Le parachuté, parachute. Donc, c'est hein, ça descend hein, en maudit. Ouais, ça descend hein, en diantre que ça descend. Oui, en diantre que ça descend. Ça descend en chute trop libre. Mais non, la chute n'est pas trop libre puisqu'il y a un parachute qui amène tranquillement à Placebird les accessoires. Puis mon micro se trouve là. En terre sûre, on me l'a assuré, c'est David Letterman lui-même, l'animateur américain, États-Unis, pas américain, mais il est américain. Moi aussi, je suis américain, là, mais je suis américain francophone, pas anglophone. Je connais absolument aucune autre langue que le français et j'en suis heureux. Quoique, al dente, ça c'est l'italien. Oui, merci. Comme à Serraz, ça c'est quoi? C'est du serrazien. Oh! Et comme disait Serrazien, plus on est rien, plus on est tout. Oh, ça c'est une belle phrase de Serrazien. Une petite minute là, vous avez des informations. Oui, on a des informations là, de la première phase, d'une de ces nouvelles, pas de Bukowski, là, mais d'improvisation. C'est juillet. Oui, mais juillet est passé. Ah, alors on peut trépasser vers la musique. Je sens venir ma dernière heure. Le premier sang déjà coulé. La chose me blesse sans pitié. La mise à mort a commencé. La corrida va s'achever. La mise à mort a commencé. Pour moi c'est bientôt terminé. Et j'essaie bien de l'encorner, mais impossible d'y arriver. Je sens mes forces m'abandonner. Ma vue se trouve, ça va saigner. La mise à mort a commencé. La corrida va s'achever. La mise à mort a commencé. Pour moi, c'est bientôt terminé. Pourtant, j'avais rien demandé. J'étais heureux seul dans mon pré. Et je pleure déjà mes enfants. Car la chose a besoin de sang. La mise à mort a commencé. La corrida va s'achever. La mise à mort a commencé. La corrida va s'achever. La corrida va s'achever. La corrida va s'achever. La mise à mort a commencé. La corrida va s'achever.

Première émission de radio en couleur. Jamais vu ailleurs. Le cabinet d'errance, un nouveau numéro. Alors, en arrière, là, c'est le ventilateur. J'ai déjà eu un entretien la semaine dernière. Si vous vous souvenez, j'ai eu une discussion avec le ventilo turbo. Donc, si vous voulez voir l'extrait, allez voir, allez examiner les anciens sur le site internet, le site officiel d'Errance canadienne, vous allez y trouver des trucs intéressants. Dont aussi cet entretien avec le ventilo. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant à nous. Hein? Voyons donc. Non, mais c'est parce que je voulais dire autre chose. Ben, dis-le. Autre chose. OK, ça fait du bien. Ah, ça fait... Oui, ça dilate le muguet. Ça dilate le muguet. Oui, ça dilate le muguet. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant, le cabinet d'errance. Sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien. Comme le boomerang, lançons le mot pour qu'il nous ramène le sens. Oui. Pourriez-vous... On n'a pas le reçu. Non, on n'a rien reçu encore. Non, mais on n'a pas de reçu. Non, je n'ai pas dit qu'on avait de reçu. J'ai dit qu'on n'avait rien reçu. Reçu. En début d'émission, rebobinez. Ben, ramenez-nous la trame sonore au début. On ne peut pas ramener. Ben oui, mais réécouter. Ben, on ne peut pas réécouter. Comment ça? Ben, c'est maintenant en direct. Ouais, mais si les gens vont visiter... Le site officiel d'Errance canadienne, ils vont pouvoir écouter. Oui! Alors, on vous a demandé quoi au début d'émission? Ben, je donne ma langue à la chatte. Oui. On a demandé, pour la première automne-hiver 2011-2012, un verre de... Un verre d'eau? Non, un verre de... Un verre de... Qu'est-ce que c'est, un verre de... Ben, c'est de l'eau. Non. On n'a pas parlé de l'eau. On a dit que ça vieillissait, là. C'était fin en bouche. On n'a pas dit fin en bouche parce que les gens qui vont réécouter vont dire on n'a jamais. Ben, on a dit que ça pouvait bien vieillir. Ah, oh, de devin. Non, pas de devin. Ah, des devins, on en connaît des devins. Ils ont dit la fin du monde 2012. Nous sommes les Maillets. Nous avons frappé. Nous sommes les Maillets. Maillets. Pas ceux-là, là. On a parlé de... Monsieur, ça c'est, là? Non, une nouvelle prothèse. Oui, allô? C'est la tempête, Irène. Oh, mon Dieu, Irène Jacob, priez pour elle. Oh, on vous soulève, allô, Irène. Manquez-vous d'électricité? Nous sommes ici, présents, et vous, avez-vous galopé? On a perdu quelques éclaboussures. Depuis ce temps, on n'est plus mûr. On va l'écouter ce soir. On va l'entendre. Oui. Ce souffle qui nous amènera. Cette tempête tropicale. Cette cigale. En manque de fringales. Elle aime ça le vent. Irène, elle aime ça le vent. Qu'elle se lève. Qu'elle nous amène cette ventilation. Ce vent. On a eu vent d'Irin. Ben oui, on a eu tout un vent d'Irin. Alors, comme le boomerang, lançons le mot pour qu'il nous ramène le sens. Whisky. On l'a demandé, whisky. Et puis, ben, on n'a pas eu de whisky. On attend le petit verre de whisky. Puis notre recherchiste recherche encore le verre. Ben, c'est lui qui coule la source. Oh, mon Dieu. Il y a anguille sous roche. Non, il y a verre sous éponge. Verre sous éponge. Oui, monsieur. Verre sous éponge. Alors, comme je le redis pour m'élancer moi-même, là, parce que on dirait que je manque d'inspiration. Alors, lorsque l'on manque d'inspiration, on fait... Ici en direct, dos droit, oreilles molles. Si vous voulez, les oreilles molles en arrière, les oreilles douces en avant, puis les oreilles qui flottent dans le milieu. OK? On fait... pouvez-vous mettre de la... la vibration positive. Montez la radio. Montez la radio. OK? On y va. Montez. C'est pas grave, les voisins, ils vont vous aimer. Vous allez les amener vers une autre structure sonore. Je vous dis, quand la lever. Pas la radio, levez pas la radio, Mme Tremblay, c'est le son qu'il faut lever. Ah, mais oui, la radio, le son. Le son est dans les fleuves, mal iré. Non, c'est pas ça, c'est le niveau du volume. Montez le niveau du volume lorsque ce sera le temps. OK. On y va. Montez le volume. Comme le boomerang, lançons le mot pour qu'il nous ramène le son. On va lui demander. Le son, Monsieur, seriez-vous en transe? Non. On est revenu, on l'a dit tout à l'heure. Là, la transe, on essaye de la réactiver, mais ça fonctionne pas là à cet instant précis. Là. Comme le boomerang, la chanson de Bachung, mais c'est de Gainsbourg. Chantée par Calis. Qui a été repris par Dao, Étienne Dao. Donc, lançons le mot, et puis Charlotte Gainsbourg, lançons le mot pour qu'il nous ramène le son, ou le sens, c'est le sens. Oh, quel sens le boomerang régnera-t-il? Dans quel sens le boomerang régnera-t-il? Oh mon Dieu, règne, non mais dans quel sens? Un sens étrange, un sens Même moi, je ne voudrais jamais le savoir. Puisque, si c'est unique, c'est dans cette direction-là, on ne l'a pas vu, vous l'entendez? Oui, cette direction-là, non, amène-le-nous d'une manière sonore, OK? Cette direction-là, oh, c'est bon, dis-le, cette direction-là, hey! Toute la technique, nous autres, il n'y a aucun problème. Là. On t'a mis ça dans tous les interstices là, radiophoniques. Là. Hey, man, c'est comme du Pink Floyd. C'est ça. Regarde-moi le monocellulaire. Comme, ouais, Pink Floyd. Hey, c'est bon, Pink Floyd. Ah, c'est bon, je vous conseille de mettre du Pink Floyd sur votre surface. Surface de plancher. Puis vous allez le sentir, le Pink Floyd. Ah, c'est à la pink, à la flingue, à la ping, à la flingue, à la pique, à la flingue. Et ça fait mal. Monsieur, ça. Oui? Seriez-vous en transe? Oui, légèrement, ça fonctionne. Là, on a monté le volume. Là, on veut pas non plus virer trop transe parce que qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est trop transe? Hey, en parlant de trop transe. La nuit dernière, ça veut dire il y a 3 semaines, c'est du pré-enregistré. Non, c'est du pré-fabriqué. Ah, oh, mais on le savait que c'était arrangé. Oui. Je rencontre une cliente qui avait, il y a un an et demi, 17 ans. Donc, elle avait 18 ans et demi, là. Hein? Vous suivez, 17 ans, 18 ans et demi. Elle avait un copain. Là, ces gens-là, là, c'est ce couple-là, le copulé. La couple copulée, ça va bien. Là. Quand t'es en couple, tu copules. Hein? Vous avez peur de dire maintenant que vous êtes en couple, hein? On copule pas, nous. Non, j'ai aussi. Mais eux copulaient à votre place, parce que le gars s'était blessé à un moment donné. Il m'avait tout expliqué, sa copine aussi, c'était merveilleux. Donc, on avait un... Je sais pas pourquoi je me mets à bégayer, là. C'est parce que ça m'excite un peu, là. Non, c'est parce que... Je la rencontre, puis je dis, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, un an et demi, oui. T'es-tu encore avec ton copain? Ah, non, je suis avec une fille maintenant. T'es bisexuel? Elle dit, oui. Je dis, ça, c'est bien. Et ça, c'est dans vraiment la phrase que j'ai dit. Je dis, t'es bisexuel? Elle dit, oui. J'ai dit, ça, c'est bien. Hey, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, là, ouvert d'esprit, là. Dans une épicerie, on peut parler de bisexualité avec un errant rénaldien, il n'y a aucun problème. Autant qu'on peut parler de suicide, il y a une femme qui m'a raconté à un moment donné que son fils était venu me voir une semaine avant, je vous l'ai déjà raconté, malheureusement qu'il s'était suicidé, mais il est venu me discuter avec moi et ça n'a pas donné grand-chose, quoique j'avais rien à offrir non plus, là, mais peut-être qu'on l'a préservé une semaine de plus, quoi.

Puis il y a physique. Mais non, figuré, comment ça? Non, il y a propre et figuré. Ah ben, ça n'a rien à voir avec le physique, là. Propre et figuré, c'est un autre monde, là. Ah, mon... Tu confonds. Ah oui, je confonds, je colle. Non, non, non. Encore là, tu confonds. Comment ça? Ben, tu dis tu colles. Ben oui, je confonds. Ben, effectivement, tu confonds coller et adhérer. Non, moi, je n'adhère jamais, moi. Ah, à trop adhérer. Comme je le disais tout à l'heure, on colle. Ah, mon... Et toi, t'as collé. Ah, moi, j'ai collé jusqu'à... Comme je l'ai dit au départ, j'ai fait deux fois ma maternelle. Oui. Allô? Un, deux. Ma m'a pas m'aimé. Oui, pourquoi? Ben, elle m'a pas m'aimé. Pourquoi elle t'a pas m'aimé? Elle m'a pas, ma maman m'a pas m'aimé. Comment ça? Ben, parce que, hey, faut que je sois pas, toi. Hey, faut le traumatisme fait aux enfants, connais-tu ça? Oui. Bon, arrêtez d'en faire. On arrête d'en faire. Bon. Baissez la tête. Courbez les yeux. Mangez le menton. Mange le menton. Hey, c'est difficile, hein? Ouais, c'est du croquant en bas, là. Alors, prends le marteau, là. Aïe, dans mon espèce. C'est comme la fourmi qui gratte pour monter en haut de la feuille, là. Hey, mais... Ah non, non, oui! L'exterminateur. Excuse-moi, la fourmi s'extermine elle-même, elle, là. Elle est capable de s'exterminer, là. C'est une grande fille. Ah ouais, extermine-toi devant le public, là. On va finir ça là, là. C'est la fin de l'émission. Extermine-toi! Je ne suis incapable. T'es une fourmi? Je suis une fourmi. Tu parles? Je parle. Bon. Depuis quand une fourmi parle? Depuis maintenant. Bon. Et un entretien avec une fourmi, ça n'a jamais été fait à radio? Jamais fait à la radio. T'écoutes-tu à la radio, la fourmi? Ah, mon dos, je ne suis pas prêteuse. C'est là ton moindre défaut? Ah, mon moindre. Moindre que ça, je suis dans le plus. OK. Moins et plus font égal. Oh, égal quoi? Égal rien. Rien quoi? Rien, rien, rien. R-I-E-N. Rien, rien, rien, rien, rien, rien. À savoir. Parti. Bon. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie. On dirait que j'ai manqué de respirer. Hey, comment ça tu fais des vents de même? Je fais des vents pour me rafraîchir. OK. Relatons. Oui, mais pourquoi c'est pas vers le haut, c'est vers le bas? Ben, écoutez, là, c'est personnel. Comment ça pas à relater ma vie ici ce soir? Quoi, ben c'est le temps, là? Non, c'est jamais le temps. D'endormir mon public, c'est vrai. Alors, est-ce que je peux lire le texte? Vas-y, mon texte, lis le texte. Alors, je suis texte et je lis le texte. Encore et encore, repassons les pendules à l'heure avec les liaisons. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Encore un petit vent. Non, ça veut pas, parce que si, c'est non. Okay. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé. Ouais, sinon, ça peut, oui. Revisiter ici et maintenant, dis-le pas. Mais je vais le dire, le nom relaté. Oui, mais au-dessus du vent. Au-dessus du vent, il n'y a rien. Ben, il y a le ciel, les nuages, le Tizizu. Lâche le Tizizu. Le Tizizu nous dit bonjour. Bonjour, le Tizizu. Alors, Georges Choquette. Georges Choquette. Qui est un chauffeur de taxi. Qui, pendant toute sa vie, a rencontré des individus loufoques. Loufoques. Très loufoques. Travailler avec le public. Le public, c'est loufoque. Plus c'est loufoque, plus ça rend son chauffeur misanthrope. Mais des chauffeurs inconscients, c'est merveilleux aussi. Parce que ça se rend compte de rien. Hey, ça peut entrer en relation avec des individus singuliers. Pff, seulement rien. 12,53. Non, c'est jamais, c'est vrai, c'est pas 53 ans. 12,50. Lui, c'est quoi? C'est le trajet A, B. Pose pas de questions, s'informe pas. Il reste le plus neutre possible. Un peu comme un coiffeur. C'est-à-dire, c'est pas chaud, hein? C'est l'automne. Avez-vous vu la grille de CKRL? Très bonne émission en vue. Oui, il y a des gens qui reviennent à l'automne. C'est ça, c'est... Faut pas trop ébranler, là. Mais là, c'est ici, là. Clermont, là. Hugo Clermont. Clermont, Hugo. Hugo Clermont. Vous connaissez Hugo? Hugo Clermont. Il revient dimanche, Hugo Clermont. Hey! Connaissez-vous aussi? Hey, là, les gens vont regarder dans les... Regarde l'horaire de ces cas. Tu sais, M. Couillard. M. Couillard, reviens. À CKRL. Il y a du grand monde qui revienne à ses KRL, du grand, du moyen, du petit, du gros, le gros Reynald. C'est pas gros, mais le plus gros Reynald, oui. L'original Reynald revient à ses KRL. Ben voyons donc, il y a pas... Oui. Il paye pas mal, lui. C'est pour ça qu'on le garde. Oh, il paye cher de sa personne. Et monsieur, trop cher, ça vaut pas cher, ça. Non, on le sait, tout le monde le sait, puis on lui laisse une chance, hein, parce que s'il y a une subvention, OK. Reynald revient. Ah, bon, il revient de loin, de très loin, comme à chaque fois. De chaque émission, il revient de loin. Oh, et puis cette émission-là, ben, c'est aussi très bon. Je voudrais faire un poème. Ouais, vas-y. L'automne. Oui. C'est l'automne. Attends, on l'a coupé. Vas-y, on lui laisse sa place, là. Il fait de la radio pour la première fois. On y va. Je voudrais faire un poème. Oui, vas-y. L'automne. C'est l'automne. Merci. Hey, c'est touchant. Touchant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jocelyn Thibodeau. Quel âge il a? 53 ans. Oh. Non, mais c'est bon. Non, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Éditeur. Ah, c'est un éditeur. C'est-il édité? Il sait pas. Il sait plus, là. Il pleure. Comment ça? Pourquoi il pleure? OK, une dernière fois. Vas-y. Je voudrais faire un poème. Oui, vas-y. L'automne. Oui. C'est l'automne. Merci. Hey, c'est beau, vraiment. Édite ça. Alors, Georges Choquette, qui a rencontré des hurluberlus, mais lui, c'est pas grave. C'est le prix. AB, l'endroit, là, on prend au coin 405 3e Avenue. T'es un animateur de CKRL? OK, t'as l'air perdu. Ouais, je reviens de l'émission Errance Reynaldienne. Ah, CKRL. Ouais, il me semble qu'il fait pas ça là, lui. Ah, il fait ça où? Il fait ça partout, lui. Ah, mon Dieu, regarde-moi ça, là, regarde. Il y a une petite trace, c'est lui, là, regarde, une petite trace là. Il fait des traces partout. Sauf à ses cohérents. Oui, sauf là. Lâche-le, là. Alors, où vous voulez aller, monsieur? Ben, je veux aller par là. OK. Alors, c'est où, par là? Ben, c'est par là, oui. Alors, je passe par où? Ben, par là, OK. Là, êtes-vous prêt à payer? Pas là. Comment ça, pas là? Ben non, pas là. Ben, tu veux passer par là sans payer là? Ben, sans payer. Sans payer pourquoi? Il y a un mot magique. Ouais. Lâche-moi les champignons. Non, il y a un mot magique. Allez-y, le magique. Errance Reynaldienne. C'est pas magique du tout, ça, là. On le connaît, lui, là. Non, vous payez. Ben, c'est pour là. Ben oui. Et vous allez payer dans l'au-delà. Hey, il veut payer dans l'au-delà. Hey, wow, là. Calme-toi. Je suis très calme. Je suis comme l'homonyme. J'ai coupé. Ben ouais, on sait que t'es coupé. De la réalité. Le plus possible. OK, ben c'est bien ça. Moi, là, les wawarons, les oiseaux, les chats, les poulettes, rien à savoir. Coupé. Ben, OK, on coupe ici. C'était Errance Reynaldienne. Bye-bye. say where she's coming from, but I just met a lady named Dynamo Hum. She strolled on over, say, look here, bum, I got a $40 bill, say, you can't make me come. You just can't do it. She made a bet with her sister who's a little bit dumb. She could prove it any time all men was scum. I don't mind that she called me a bum, but I knew right away she was really gonna come. So I got down to it. I whipped up a boomers and sniffing my thumb and applied rotation on a sugar plum. I poked and stroked till my wrist got numb, but I still didn't hear no dynamo hum. From. I done spent 3 hours and I ain't got a bump from the dynamo. Dynamo, dynamo from the dynamo home. Got a spot that gets me hot. Ooh. And you ain't missed. No, no, no, no. Got a spot that gets me hot. Ooh. And you ain't missed. No, no, no. Got a spot that gets me hot. But you ain't missed. No, no, no, no. She looked over at me with a glazed eye and some bovine perspiration on her upper lip area, and she said, just get me wasted, and you're halfway there, cause if my mind's tore up, then my body don't care. I rubbed my chinny chin chin and said, my, my, my, what sort of thing might this lady get high upon? I checked out her sister who was holding the bet and wondered what kind of trip the young lady was on. The $40 bill didn't matter no more when her sister got naked and laid on the floor. She said Dynamo might win the bet, but she could use a little if I wasn't done yet. I told her, just because the sun wore a place in the sky, no reason to assume I wouldn't give her a try. So I pulled on her hair, got her legs in the air, and asked if she had any cooties in there. What do you mean, cooties? No cooties on me. She was buns up kneeling. I was wheeling and dealing. She surrendered to the feeling. And she started into squealing. Dynamo watched from the edge of the bed with her lips just a twitching and her face gone red, some drool rolling down from the edge of her chin while she spied the condition her sister was in. She quivered and quaked and clutched at herself while her sister made a joke about her mental health, till Dynamo finally did give in. But I told her all she really needed was some discipline. Kiss my aura, Dora. It's real Angora. Would y'all like some more? Right here on the flora. And how about you, Fauna? You wanna? Sound like you're choking on something. You know, I'm gonna find me a horse just about this big and ride him all along the borderline. You like horses? Did you say you want some more? Well, here's some more. Oh, sure, look. You think I could interest you in a pair of zircon-encrusted tweezers? The tweezers. Wait a minute, let me sterilize it. Give me your lighter. I couldn't say where she's coming from, but I just met a lady named Dynamo Hum. She scrolled on over, said, look here, bum, I got a $40 bill, say, you can't make me come. You just can't do it. I whipped off her bloomers and stiffened my thumb and applied rotation on a sugar plum. I poked and stroked till my wrist got numb, and you know I heard some Dynamo Hum. Some Dynamo Hum. Dynamo Hum. Dynamo Hum. Dynamo. Dynamo. Some Dynamo. And little Dynamo. And some Dynamo. And some Dynamo. Ce mec. Faut bouger son cul. Il y a personne qui viendra taper à ma porte me dire oh, t'es super belle, je te veux toi. Pas encore. Ça viendra sans doute avec les rôles au cinéma et au théâtre. Voilà. Au théâtre, oui. Quand on te voit, on va. Ah, voilà, je vais jouer au théâtre, on va peut-être me repérer. Je vais jouer dans ci, on va peut-être me repérer. Mais c'est sûr, on va me repérer. Tu vois, parce que je vais. T'es obligé sur cette planète, t'es obligé de plaire à certaines personnes et pas plaire. Ouais, voilà. Donc, écoute, je pense que je vais forcément plaire à quelqu'un. Ah oh, oui. Oui, et les créateurs sont là pour jauger ce qu'il leur faut. Ouais. Et tu vas cadrer dans un univers. Exactement. Ça, et surtout la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, je pense. Et le film en théâtre. Voilà. Donc c'est deux